Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 3. À Paris, l'école de droit, l'hôtel des ventes, il Signor Innocenti, peintre, marchand, collectionneur, Félicien Rops, le salon du docteur Fillot, dans l'atelier de Lewis Brown. J'ai entendu souvent parler de l'émerveillement de l'étranger arrivant à Paris. Or, quand, après mes 2 années de droit à Montpellier, je débarquais un soir d'automne à la gare de Lyon, ce que j'aperçus d'abord, ce furent des rues tristes, noyées sous une petite pluie pénétrante. Le fiacre où j'étais monté se trouva pris dans un encombrement de voitures, dont les cochers échangeaient de copieuses invectives. Quand nous sortîmes de cet embouteillage, ce fut pour aller échouer au quartier latin, dans un petit hôtel qu'on m'avait recommandé et où je passais la nuit sans feu à grelotter. Mais enfin, c'est à Paris que j'étais. Paris, mot magique et qui me disposait par avance à tout admirer. Mon hôtel était situé rue Toulier, tout près du jardin du Luxembourg. Ce fut là que, dès le lendemain, je dirigeai mes premiers pas. Je fus déçu. C'était simplement plus vaste, mais aussi moins intime que le jardin du roi de mon île natale. Ce n'est que plus tard que m'en apparut la magnifique ordonnance. J'allais voir les musées, mais ce qui m'en restait, après un défilé d'une heure dans des salles interminables, c'était comme une grande sensation d'ennui. Aussi, comme ils me font rire tous ces globe-trotteurs qui parlent, comme de choses familières, de ce qu'ils ont entrevu en courant le monde. Ce n'est que pendant la guerre, toutes lumières éteintes, par un clair de lune, que j'ai été saisi par le charme incomparable de Saint-Julien le Pauvre. J'ai été, comme tout le monde, nombre de fois à l'exposition coloniale de 1931. Je me suis arrêté, comme tout le monde également, devant le temple d'Angkor reconstitué. Je disais, moi aussi, c'est très intéressant, mais je ne sentais rien du tout. Un jour, dans un crépuscule comme mouillé, mes yeux subitement s'ouvrirent. D'un coup, c'était tout l'Orient qui se révélait à moi. Ce fut de la même façon que, me promenant sur les grands boulevards à la hauteur de la rue Lafitte, l'église du Sacré-Cœur m'apparut au loin, comme l'appel d'une cité mystérieuse qui venait de surgir devant moi. Mais je ne suis pas le seul sur qui le charme de Paris n'agit pas du premier coup. J'avais pour bonne une fille de la campagne, étonnamment silencieuse. Je m'applaudissais de son mutisme comme d'une qualité. Quand, après quelques semaines de séjour, elle m'apparut un matin, le chapeau sur la tête et sa valise à la main. « Je préviens, monsieur, que je m'en vais, » fit-elle. « Comment ? Qu'y a-t-il ? Vous n'êtes pas bien ici ?»« Non, monsieur, votre Paris est trop triste. Au pays, je peux causer à tout le monde. Ici, personne ne fait attention à moi. Et puis, on a beau se promener, les rues, c'est tout pareil. Je me péris. Il faut que je retourne chez nous. » L'école de droit ne me vit pas davantage à Paris qu'à Montpellier. Mais cela ne m'empêcha pas d'être reçu à ma licence. Je commençais ensuite mon doctorat, dont je ne passais que le premier examen, car les flâneries sur les quais, le long des vitrines où étaient exposées toutes sortes de dessins et de gravures, avaient pour moi plus d'attrait que les examens. « Veine !» m'exclamai-je un jour, en acquérant pour 20 francs un petit tableau sur porcelaine représentant une jeune fille à la cruche cassée et signé Laure Lévy des Bonnats. Enfant, j'avais lu, dans un de mes livres de prix, l'histoire d'une petite Parisienne qui, ayant reçu de ses parents 3 louis pour sa fête, s'était écriée en battant des mains « Je pourrais avec ça me payer une jolie reproduction d'un tableau de Bonnat, Job sur le fumier. » L'auteur nous apprenait en outre que son héroïne, étant sortie de chez elle pour effectuer son achat, avait rencontré sur son chemin un vieillard d'apparence misérable, à qui, prise de pitié, elle donna ses 3 louis. Ce sacrifice, dans le roman, devait par la suite avoir sa récompense. Les parents de la jeune fille, victimes d'un financier aventureux, moururent dans la misère. Peu après, l'orpheline reçut la visite du vieillard calamiteux en faveur de qui elle avait fait le sacrifice du Bonnat. Et, comme elle ouvrait la bouche pour dire « Mon pauvre homme, je ne puis, hélas, plus rien faire pour vous », l'autre, sortant de sa poche une liasse de billets de banque, la lui remit en lui disant « Mademoiselle, je n'ai jamais été un mendiant. Ma vie se passe, bien au contraire, à rendre service aux autres, en leur prêtant de l'argent moyennant un intérêt convenable. Et, quand je rencontre quelqu'un qui me veut du bien, tenez, j'ai fait fructifier vos 3 louis à votre profit. Et voilà pour la jeune fille au Bonnat. Quant à moi, la fièvre de la possession passée, je me mis à douter, en dépit de l'autorité du nom de Bonnat, de l'importance de mon acquisition. Mais je me rappelais qu'un jour, en classe, un élève ayant laissé échapper ces mots « Quelle barbe cette Sévigné !» notre professeur nous avait dit « Quand il s'agira de quelqu'un de célèbre, s'il vous ennuie, dites-vous, c'est moi qui suis un petit bêta. » Je me répétais alors à moi-même « Je suis un bêta, je suis un bêta. » Ce fut en vain. Ce Bonnat, de moins en moins, me disait quelque chose. Je résolus de m'en débarrasser. J'allai donc trouver celui qui me l'avait vendu, et en lui disant mon intention de me défaire du tableau, je lui laissai entrevoir un achat plus important. Le marchand caressa sa longue barbe blanche, puis, sentencieusement, « Jeune homme, quand vous aurez mon âge, vous saurez qu'un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. » Je me résignai déjà à voir ma fâcheuse emplette me rester pour compte quand un ami vint m'annoncer son mariage. Je m'empressai de lui offrir mon Lévi Bonnat comme cadeau de noces. Quelques mois plus tard, déjeunant chez les jeunes mariés, je m'aperçus que le tableau ne portait plus comme signature que Bonnat tout court. « Ma femme trouve que Bonnat tout seul, ça suffit », répondit mon ami à ma muette interrogation. De mon côté, je ne devais pas tarder à apprendre que Bonnat n'était pas une femme et que le D qui suivait l'or Lévi sur la jeune fille à la cruche signifiait simplement « d'après ». Le premier tableau un peu important que j'achetais, étant encore étudiant, fut un Innocenti. Une grande considération en rejaillit sur moi au quartier latin parmi mes compatriotes. L'un d'eux, qui était très écouté, car il s'imposait à nous par les 350 francs mensuels qu'il recevait de ses parents, déclara que c'était aussi fort que du Rembrandt. Le tableau représentait des paysans qui dansaient devant l'âtre. À la suite de cette acquisition, je fis connaissance avec l'artiste, lequel m'invita à aller visiter son atelier à Neuilly. C'est par Innocenti que je devais connaître le futur directeur de l'Union artistique, où, comme on le verra, j'ai fait, si je puis ainsi dire, mes premières armes de marchand de tableaux. Innocenti était très féru de l'idée d'une fédération méditerranéenne. Il exécuta, à cet effet, un tableau à 3 personnages, grandeur nature, évoquant respectivement la France, l'Italie et l'Espagne. Au centre, le général Boulanger, à ce moment-là l'idole des Parisiens. À ses côtés, les rois d'Espagne et d'Italie. Le peintre fondait les plus grandes espérances sur cette allégorie, qu'il voyait déjà reproduite sur des broches piquées au corsage des dames. Si son vœu ne se réalisa pas, du moins obtint-il pour son tableau la médaille de bronze à l'Exposition universelle de 1889. Ses amis lui avaient prédit la médaille d'honneur. Innocenti fit le don de son œuvre à l'État français. Il en fut remercié par les palmes académiques. Dans les cérémonies officielles, ou encore quand il dînait chez des Français, il ne manquait jamais de porter sa décoration. « Il faut savoir honorer, disait-il, le pays qui vous a rendu hommage. » 1890. Quelle époque bénie pour les collectionneurs. Partout des chefs-d'œuvre et autant dire pour rien. De Manet, l'extraordinaire portrait de Zacharie Astruc, dont on demandait 1000 francs, ce qui semblait exorbitant. Je me souviens qu'à peine 2 ou 3 ans plus tard, la femme sur un canapé, qui avait appartenu à Baudelaire, fut péniblement poussée à l'hôtel Drouot à 1500 francs. J'avais, dans mon 6e de la rue des Apennins, un important nu de Renoir, dont je demandais 250 francs sans qu'on daignât seulement le regarder. Quand j'eus ma petite boutique rue Lafitte, les Renoirs ayant un peu monté, j'en demandais timidement 400 francs. Et je me rappelle même qu'un grand amateur me disait « Si j'avais 400 francs de trop, j'achèterais cette toile pour la brûler devant vous dans votre cheminée, tant cela me peine de voir Renoir représenté par un nu si mal dessiné. » Quand on rendit enfin justice à Renoir, cette toile qui avait passé par plusieurs mains fut finalement payée par Rodin dans les 25 000 francs. Elle est aujourd'hui un des joyaux de son musée. Je ne parle pas des Cézanne, dont l'étoile, en 1890, était en vente chez le père Tanguy, les plus grandes à 100 francs et les petites à 40 francs. Les plus admirables lithos de Redon, tirés à 25 ou 30 exemplaires, se vendaient 7 francs 50. Elle devait, 10 années durant, ne pas dépasser ce prix. Et Gauguin, qui s'était révélé un maître en tous les genres, Gauguin peintre, Gauguin céramiste, Gauguin sculpteur, Gauguin enfin allait, à son retour de Tahiti, se voir refuser la Vierge à l'enfant, dont il faisait don au musée du Luxembourg, lequel, d'ailleurs, devant les clameurs indignées de l'Institut, repoussait également 17 toiles du legs Gustave Caillebotte. Je me rappelle à ce propos qu'après cet échec, le frère du collectionneur, Monsieur Martial Caillebotte, me rencontrant un jour. « Volard, me dit-il, vous qui connaissez Bénédicte, à l'époque conservateur du musée du Luxembourg, ne pourriez-vous pas obtenir de lui qu'il accepte d'hospitaliser au grenier les refusés du lot ? Ces refusés, c'était Renoir, Sisley, Cézanne, Manet, pour que, si le vent en venait à tourner, il puisse les accrocher dans les salles du musée. » Je courus chez Bénédicte. Il me semble encore l'entendre. Moi, un fonctionnaire en qui l'État a placé sa confiance, que je me fasse le receleur de toile que la commission a exclu? Quelques années plus tard, Renoir me dit. Je ne sais plus qui m'a raconté que les amis du Luxembourg voudraient quelque chose de moi. Mais je ne veux pas avoir l'air, en faisant un cadeau, de forcer les portes du musée. Tenez, prenez donc ce pastel. C'était Madame Morisot et sa fille. Allez dire au président des Amis du Luxembourg, vous savez bien, monsieur cher ami, que je leur vendrai ce tableau 100 francs. La chose embêtante, c'est qu'ils se croiront obligés de venir me remercier. Quand je portais le pastel chez monsieur cher ami, je vis un homme qui recula, effrayé devant la responsabilité de faire entrer un Renoir au Luxembourg. « Assurez bien, monsieur Renoir, que nous l'estimons tous ici. Mais dites-lui que, pour ne pas donner prise à la critique, nous avons décidé de subordonner tous nos achats au jugement de monsieur Bonnat. » Je me laissais aller à dire à monsieur cher ami. « Et quelque chose de Cézanne? Est-ce que les amis du Luxembourg ?» Alors, monsieur cher ami, sévère, « Cézanne? Pourquoi pas Van Gogh ?» L'homme de la rue ne pensait pas différemment. Quand, en 1894, je fis une exposition du maître d'Aix, j'entendis un jour comme une altercation devant mon magasin. Une jeune femme était maintenue par une solide poigne d'homme devant un tableau de baigneuse. Me forcer à voir ça, moi qui ai eu un prix de dessin à la pension. « Eh bien, ma petite, répartit l'homme, ça t'apprendra une autre fois à être plus gentille avec moi. » Du moins, cette protestataire n'appartenait pas à la critique d'art. Or, un des écrivains dont celle-ci se réclame volontiers, en raison de ses tendances modernes, ne devait-il pas, à propos de cette même exposition, déplorer que le maigre savoir de Cézanne le trahît et le fit échouer dans l'art d'espacer des plans, de donner l'illusion de l'étendue? C'était encore pis pour Van Gogh. Les plus audacieux, même, n'arrivaient pas à encaisser sa peinture. Comment s'étonner de cette résistance du public quand on voyait les plus affranchis des artistes, comme Renoir et Cézanne, l'un faire grief à Van Gogh de son exotisme, et l'autre lui dire « Sincèrement, vous faites une peinture de fou !» Si les aînés éprouvaient tant de difficultés à percer, que dire des jeunes comme Bonnard, Vuillard, Roussel, Denis, Aristide Maillol? Je nomme à tort Maurice Denis parmi les jeunes qui avaient de la peine à se vendre, car lui, tout de suite, s'était imposé. Je me rappelle un article de M. Arsène Alexandre, si je ne me trompe, où l'on pouvait lire que le grand événement de la semaine, ce n'était pas la chute du ministère, mais l'exposition de Maurice Denis aux indépendants. Pourtant, déjà, dès 1892, on aurait pu croire que la peinture des jeunes allait avoir la cause gagnée. Un marchand qui bricolait les tableaux anciens, le Barque de Bouteville, sous l'influence de Vogler, un élève de Sisley, avait voulu mettre un peu d'air dans son magasin. Et il avait organisé des expositions de jeunes. Mais, après un court succès de curiosité, tout retomba au calme plat. Le Barque de Bouteville n'avait pas été le seul à aller de l'avant. Avant lui, un vieux marchand de couleurs, le père Tanguy, s'était intéressé à la peinture nouvelle, au point de faire crédit au peintre qui peignait clair. Ce brave homme arrêté, par erreur, comme insurgé au cours des dernières journées de la Commune, au risque d'être fusillé, avait fini de très bonne foi par se croire un révolutionnaire. Épargné, il ne savait pourquoi, et devenu plus tard marchand de couleurs, il protégeait les peintres novateurs, dans lesquels il se plaisait à voir des révoltés comme lui. J'ajouterai qu'il faisait également crédit à ceux qui peignaient noir, à la condition toutefois qu'ils se fissent remarquer par la régularité de leur vie, comme, par exemple, ne pas aller au café et ne pas jouer aux courses. Car ce communard par persuasion était le plus bourgeois des hommes, et rien n'aurait pu lui enlever cette idée qu'avec de la conduite, un peintre devait fatalement arriver. Et si, à son métier, le père Tanguy ne s'enrichissait guère, du moins il s'était acquis l'estime des artistes. Émile Bernard lui révéla Cézanne et Van Gogh. Celui-ci fit plusieurs portraits de Tanguy, dont un, presque grandeur nature, où il est représenté assis. Cette toile est aujourd'hui au musée Rodin. Quand on la lui marchandait, le père Tanguy en demandait froidement 500 francs. Et, si on se récriait devant l'énormité du prix, il ajoutait « C'est que je ne tiens pas à vendre mon portrait ». Et en effet, la toile demeura chez lui jusqu'à la fin de sa vie. Après sa mort, Rodin en fit l'acquisition. À la vente Tanguy, j'eus 5 toiles de Cézanne pour environ 900 francs. Quand on régla les achats, le commissaire-priseur, M. Paul Chevalier, me félicita pour le cran que j'avais montré. Il faut dire que les enchères avaient commencé à 10 francs. Devant ce compliment, je n'en éprouvais que plus d'embarras à lui avouer que je ne possédais que 300 francs. Je lui proposai de les lui verser à titre d'art jusqu'au moment où je pourrais prendre livraison de mon achat. Il me regarda un instant. « Non, emportez vos tableaux. Vous me réglerez d'un seul coup dès que vous le pourrez. » Le brave homme que Monsieur Chevalier. Ce souvenir m'aide à expliquer qu'à sa mort on ait trouvé, dans son coffre-fort, tant de bordereaux en souffrance. Un jour, feuilletant quelques-uns des ouvrages exposés sous les galeries de l'Odéon, j'étais tombé sur le Certain de Huysmans. Ce qu'il disait du satanisme de Félicien Rops me donna le désir de connaître cet artiste. J'avais découvert dans les boîtes des quais une gravure non signée qui me parut être de lui. On en demandait 5 francs. Je l'obtins pour 3,50 francs. Prenant mon courage à deux mains, j'allai frapper à l'atelier de l'artiste. D'après ce que m'avait fait augurer la lecture de Huysmans, je m'attendais, quand on m'ouvrit la porte, à pénétrer dans l'antre d'un sorcier. Un homme tout nu vint m'ouvrir, c'était Rops. Quand je dis tout nu, il est plus exact de dire qu'il portait une visière verte et qu'une ficelle attachait à sa ceinture quelque chose comme une bavette d'enfant. Il me reçut sans le moindre embarras. Il m'apprit que l'eau-forte que je lui montrais était une œuvre très rare, dont lui-même ne possédait pas d'épreuve. Il m'en proposa l'échange et me donna, à la place, un dessin aquarellé représentant une femme nue, gantée et chapeautée, et dont la vue excitait un singe qui en témoignait derrière les barreaux de sa cage. Je sortis de ma visite tout fier de posséder une œuvre si caractéristique de la manière du peintre. Je devais, plus tard, entendre son élève Racine Fosse qualifier Rops de Cabanel belge. J'eus l'occasion de rapporter le propos à Renoir qui me dit « Le plus drôle, c'est qu'il voulait sans doute lui faire un compliment. » À une de mes visites chez Rops, il me présenta à un de ses amis, le poète Edmond Haraucourt, que je devais rester plus de 40 ans sans revoir. « Comme c'est curieux, me dit-il quand je le revis. La première fois que je vous ai vu chez Rops, vous portiez un carton sous le bras. Et aujourd'hui, je vous retrouve encore avec un carton sous le bras. Et laissez-moi vous dire que chez Rops, je vous ai envoyé in petto à tous les diables. Quand vous êtes arrivé, Rops était en train de signer une magnifique épreuve de son incantation qu'il me destinait. Et vous veniez juste demander pour un client cette même gravure. Alors c'est vous qui l'avez eue. Mais, ajouta le poète, il y a longtemps que j'ai cessé de vous en vouloir. » Rops aimait qu'on le tînt pour un grand trousseur de jupes. Il ne cachait même pas à cet égard ses déconvenues. C'est ainsi qu'il me raconta la petite aventure suivante. Un jour, il reçut une lettre où il lut « Monsieur Rops, quand j'étais gamine, vous me disiez « J'aimerais faire ton portrait, petite coquine. Eh bien, je passerai à votre atelier. » Rops ne se souvenait de rien. Pourtant, son impatience était grande de voir la personne qui s'annonçait de la sorte. À l'heure dite, on frappe à la porte. Une femme à la taille épaisse, grisonnante et moustachue, se présente. « Comme vous avez forci, monsieur Rops, vous vous rappelez quand vous cherchiez toujours à m'embrasser? Mais aujourd'hui je suis mariée, il faudra être sage. » Je me souviens d'autre part que, 2 ou 3 ans avant sa mort, étant allé voir Rops à l'atelier, il me dit « J'attends une femme. » Et, comme je voulais me retirer, « Restez, me dit-il, quand on frappera 3 coups espacés, vous vous en irez par le fond de l'atelier. » Au bout d'un instant, j'entendis les 3 coups et je me levai. Machinalement, en m'en allant, je me retournai. Sa vieille bonne lui apportait un bol de tisane. C'est par Rops que je connus le docteur Fillot, grand admirateur des impressionnistes. Quels moments agréables je passais là. Tous les mardis, il y avait le dîner du pot-au-feu, où les habitués de la maison étaient invités une fois pour toutes, et, après le dîner, il nous arrivait d'entendre, et avec quel plaisir, Madame Fillot, la future Jeanne Ronet, l'admirable interprète de Vincent d'Indy. Parmi les intimes de la maison était M. Dumay, chef du bureau au ministère des Cultes, ce qui valait au docteur Fillot une cour empressée d'ecclésiastiques. Ceux-ci, en effet, quand ils n'osaient pas aller directement à M. Dumay, recouraient à l'aimable amphitryon. Un jour, un prélat avait envoyé au docteur un superbe homard vivant, en ajoutant, sur la carte jointe à l'envoi, ces mots qui, à l'époque, me semblaient de l'esprit le plus fin. « Sur votre table, il sera cardinal. » Une autre fois, un aspirant à l'épiscopat amenait au docteur Fillot, pour qu'il les auscultât, deux jolies nièces qui, bien entendu, ne tarissaient pas d'éloges sur leur excellent oncle. De toutes ces malices cousues de fil blanc, le directeur des cultes prenait bonne note pour éviter qu'un indigne ne se glissât dans la milice sacrée dont il avait la garde. Car, tout anticlérical qu'il fût, M. Dumay ne plaisantait pas avec le prestige de la hiérarchie ecclésiastique. C'est au cours d'un de ces mardis que je commis un impair dont le souvenir, après si longtemps, m'obsède encore. Je voyais, ce soir-là, pour la première fois, une dame fort loquace et qui semblait parler avec son nez. « Ne trouvez-vous pas, dis-je à un de mes voisins pour entrer en conversation, que cette dame gagnerait beaucoup à faire moins souvent entendre sa trompette ?»« Je vous crois, depuis 30 ans, je n'ai pas encore pu m'y habituer. » Et, comme je le regardais stupéfait, « Oui, je suis son mari. » Un jour que je sortais avec Robs de chez le docteur Fillot, les yeux encore tout éblouis des tableaux qui ornaient les murs. « Eh bien, me dit-il, tout ça est fou, n'est-ce pas ?»« Je ne sais pas, moi. Je trouve ça joliment agréable à regarder, en tout cas. »« S'il en est ainsi, tant pis pour vous. On est foutu une fois qu'on a cette peinture-là dans l'œil. » À quelque temps de là, ayant cédé avantageusement la femme au singe que je tenais de Rops, je consacrai une partie du produit de cette vente à acquérir une aquarelle d'un artiste qui n'est peut-être pas de premier ordre, mais qui mérite mieux que l'indifférence dans laquelle on le tient aujourd'hui. John Lewis Brown. Enchanté de mon acquisition qui représentait des cavaliers, je me hasardai à aller trouver le peintre nanti de mon aquarelle. Il me félicita de mon œil, et je me souviens qu'il ajouta 3 petits points de gouache au casque d'un des cavaliers. « Comme ça, me dit-il, c'est parfait. » Je me rappelle qu'en pénétrant dans son rez-de-chaussée de la rue Ballu, je fus tout estomaqué en me trouvant en face d'un général à cheval au milieu d'un petit jardin. C'était un modèle. « À propos, lui dis-je, j'ai vu, boulevard Montmartre, un étonnant dessin de chevaux. Chez Bousseau, n'est-ce pas ? Eh, parbleu, c'est de Degas, notre maître à tous. Mais à propos, vous l'avez déjà vu, Degas ? L'autre jour, quand nous sommes sortis ensemble, le monsieur à grosses lunettes noires, à qui j'ai dit bonjour en passant. Mais comment Degas fait-il pour installer son chevalet au milieu de la foule ? Lui, c'est à un 3e étage qu'il peint, avec des petits chevaux de bois pour modèle. » Et, devant ma stupéfaction, oh, « Degas, sans doute, va sur les hippodromes, à Auteuil, à Longchamp. Mais c'est à l'atelier, en faisant tourner dans la lumière ses petits chevaux, qu'il reconstitue la nature. Tenez, c'est comme Daumier. Son ami Boulard me racontait qu'un jour, à Valmondois, Daumier lui dit « J'aimerais faire une étude de canard. » Boulard le conduit à la basse-cour, on pousse les canards vers la mare, et, pendant qu'il s'ébattait, Daumier fumait sa pipe en parlant d'autre chose. Quelques jours plus tard, étant allé voir son ami à l'atelier, Boulard s'arrête émerveillé devant une étude de canard. « Et Daumier, tu te rappelles, c'est chez toi que je les ai vus. » Moi, qui n'ai pas une telle faculté d'évocation de la chose vue, continua Lewis Brown. « Je dois me servir de chevaux vrais. Heureusement, j'ai un jardin. » Mais, interrompis-je assez naïvement, « pour ces nus, de gars ne se sert pas de petites femmes en bois. » « C'est que, répliqua Lewis Brown, l'être humain, on peut ordonner ses attitudes comme on veut. Et de gars, je vous en réponds, ne se gêne pas, lui, pour les poses qu'il les oblige à prendre. » Et à propos de modèles nus, j'étais allé voir un jour Arpigny. Après m'avoir montré des paysages, « Venez par ici, » me dit-il d'un air un peu mystérieux. Et il me conduisit dans sa chambre à coucher. Une superbe créature dormait, étendue dans le lit, nous tournant le dos. « Regardez-moi ça !» dit Arpigny. Et il découvrit une magnifique paire de fesses. « Croyez-vous que c'est tentant pour un peintre ? Et il faut que je sois paysagiste !» Je devais voir quel avantage c'était, pour un peintre de chevaux, de demeurer comme Lewis Brown à un rez-de-chaussée. Quelque temps après, en effet, descendant un escalier, je me heurte à un homme à cheval. « C'est bien là-haut, s'informa-t-il, l'atelier de Monsieur X ?» Voici ce que j'appris. Le peintre, qui était spécialisé dans les tableaux d'oiseaux, avait exposé au salon une alouette d'un fini extraordinaire, qui lui avait été achetée par un Argentin. « Ne pourriez-vous pas, lui dit celui-ci, faire avec la même perfection un portrait de cheval ?»« Pourquoi pas ?» avait répondu l'artiste. « Et moi dessus ?» avait ajouté l'Argentin, qui demandait en même temps rendez-vous pour la pose à l'atelier. « Chez moi ?» fit le peintre. « Vous n'y songez pas. J'habite au 5e. »« Bueno ?» fit l'Argentin. « Chez nous, les chevaux montent les escaliers. » Pour faire apprécier davantage à M. Lewis Brown son rez-de-chaussée, étant allé une autre fois chez lui, je lui racontai l'histoire de l'Argentin. Je le trouvai qui fulminait. « Je viens de voir l'Angélus. Il est tout battant neuf. J'ai connu ce tableau plein de craquelures. » Il faut dire que la toile était passée entre les mains de M. Chauchard, le célèbre directeur des magasins du Louvre. Et, avec cette considération qu'il avait pour les toiles de maître, il ne pouvait souffrir, évidemment, que celle-ci figurât chez lui avec la plus petite défectuosité.